ça vous dit d'aller boire un verre? Non, on écoute, vous êtes libre ce soir. Nous avons construit un nouveau continent dans le cyberespace. C'est le monde libre. Parce que il n'est pas possible d'être... Nous pouvons inviter tout le monde à vivre en liberté avec nous. Bonjour, ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours sur Radio Béton 93.6. Et on alors, a toujours la même voix malgré les peurs de grippe. Voilà, non, ce n'est pas la voix enrouée, ouais. Donc c'est vous êtes libre ce soir pour une nouvelle émission. Alors vous avez entendu un type un peu bizarre peut-être sur les ondes. Vous savez sûrement pas qui c'est. Nous on va vous parler de ce personnage. Alors c'est Richard Stallman et Emmanuel va nous le présenter. D'abord, pour le présenter physiquement, par rapport à mon voisin Pierre, il a le point commun d'être barbu déjà. Ouais, mais plus que moi, hein. Moi voilà. j'arrive pas là, j'essaye, j'arrive pas. En fait, oui, c'est un petit peu la mode des informaticiens, mais c'est surtout quelqu'un qui est considéré comme un philosophe. Le philosophe de notre temps. Dirait-on. Au moins certains. Voilà. Il s'agit de l'inventeur des Creative Commons, le professeur de droit Lawrence Lessig, qui dit que chaque génération a son philosophe, un écrivain ou un artiste qui capte l'air du temps. Notre génération a un philosophe. Il n'est ni artiste ni écrivain professionnel, il est programmeur. Et son petit nom, c'est Richard Stallman. Voilà. Alors, oui, Richard Stallman, Emmanuel, est-ce que tu peux nous dire à peu près vers quand il est né, et puis ce qu'il a réalisé, et qu'est-ce qui fait qu'on peut le considérer justement comme un philosophe, comme tu viens de nous le dire? Il a actuellement une cinquantaine d'années, et son grand combat, c'est le combat pour la liberté dans le cyberespace, comme il le dit lui-même. Parce... le cyberespace, c'est quoi pour certains? On va dire que c'est ce qui... que c'est ce qui regroupe un peu l'informatique et toutes les activités qui tournent autour des machines électroniques. C'est, on va dire, l'Internet, le monde virtuel. Le monde virtuel, voilà. Mais ce monde virtuel a pas mal de répercussions dans la réalité. Et justement, Richard Stallman a vécu à une époque où tout le logiciel était libre. Une époque où tout le logiciel était libre, ça oui, a vraiment. Existé. À l'époque, on échangeait les logiciels libres toujours avec leur code source, c'est-à-dire la recette du gâteau qui permet de faire le logiciel. Et puis, il ne venait même pas à l'idée d'enfermer les utilisateurs dans un moule prédéfini pour les obliger à acheter tel ou tel produit, d'accord. Ou même de pratiquer la vente forcée des logiciels comme le fait tel multinational que tu connais bien. Alors ça, c'était quoi? C'était dans les années 80? C'était dans les années, 70, début 80. Et au début des années 80, il a vu que la liberté dans le monde du logiciel se perdait. Parce que les éditeurs propriétaires montaient en puissance. Et en même temps, la communauté des scientifiques avait perdu l'habitude de partager les logiciels. Et donc, il s'est inquiété de ce problème et il a essayé de faire quelque chose de... Ah oui, c'était plus que quelque chose. C'est qu'en fait, il était à une époque où les logiciels libres étaient devenus complètement minoritaires. Autour de lui, toute une communauté, bien entendu d'informaticiens, pour créer ensemble des logiciels libres. Et tout cela, ça a permis ensuite que le logiciel libre se répande et soit largement adopté par des entreprises et que même, à l'heure actuelle, des modèles économiques émergent sur le logiciel libre. Alors là, on est reparti dans l'informatique, mais on va essayer de vous expliquer un peu en quoi il y a un lien avec la philosophie qui est assez important. Et en particulier, on va parler de l'aspect social du logiciel libre qu'a très bien compris Richard Stallman. Et pour ça, on va vous proposer un extrait d'une interview où il parle de cet aspect social et de la notion de partage. La liberté numéro 2 est essentielle pour des raisons fondamentales éthiques. Pour pouvoir vivre une vie éthique comme bon membre d'une communauté. Si tu utilises un programme sans la liberté numéro 2, tu es en danger de tomber dans un dilemme moral à n'importe quel moment quand ton ami te demande une copie du programme. Donc, à ce moment, tu sera obligé de choisir entre deux mots. Un mal est lui donner une copie et rompre la licence du programme. L'autre mal est le nier une copie et obéir à la licence du programme. Donc, étant dans le dilemme, tu devrais choisir le mineur mal, qui est lui donner une copie qui rend la licence du programme. Pourquoi est-ce que ce mal est le mineur? Parce que nous pouvons supposer que ton ami est un bon ami et mérite normalement ta coopération. Parce que dans l'autre cas, c'est facile, on lui dit: pourquoi voudrais-je t'aider? Donc, il reste l'autre cas, le cas d'un bon ami. Mais le développeur du programme privateur aura attaqué délibérément la solidarité sociale de ta communauté. Et voilà pour cet extrait de conférence. Alors c'était une conférence qui date d'avril 2007, donc qui est plus très récente, mais qui est toujours d'actualité, et de Richard Stallman. Alors je rappelle que Richard Stallman est américain et il a fait beaucoup d'efforts pour parler de son mieux français. Enfin voilà, il parle pas si mal après tout. Alors on a parlé, ou plutôt Richard Stallman a parlé des notions de partage et de l'importance que ça avait dans le système social, et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est souvent ignoré, enfin qui est pas forcément la première chose qu'on pense à dire, et effectivement les programmes propriétaires invitent un système d'enfermement où les gens peuvent plus partager entre eux les logiciels, les données, etc. Et il montre bien tout le danger que ça a, et aussi le fait que c'est complètement impossible, parce qu'on a tous envie de partager avec nos amis, enfin c'est quelque chose qui est assez naturel, et le système propriétaire fait de son mieux pour aller à l'encontre de tout ça. Alors on va enchaîner, parce que il a parlé aussi, Richard Stallman, des quatre libertés. Alors peut-être Emmanuel, tu peux nous les récapituler, nous les redire. Oui, c'est un des leitmotifs dans le logiciel libre, mais bon, c'est toujours bien de se les rappeler. La première liberté, c'est avant tout d'utiliser le programme à quelque fin que ce soit, et sans avoir de royalty à payer à l'auteur, ce qui est déjà une sacrée différence par rapport à la plupart des logiciels propriétaires. Et puis, un truc qui est complètement impossible dans le logiciel propriétaire, c'est de pouvoir étudier le logiciel, de pouvoir ensuite le modifier, l'adapter à ses besoins. La troisième liberté dont il a parlé, c'était bien sûr celle de distribuer un programme. Donc, si un de vos amis a besoin d'un logiciel libre, il y a tout à fait le droit. ces moments encouragés, de partager avec sa communauté. Et puis, la dernière liberté, c'est de pouvoir distribuer des versions dérivées d'un programme qui seront peut-être d'autres programmes connus sous d'autres noms, ça existe. Voilà, alors avec cette question-là, on retombe quelque part aussi pas loin des problématiques de piratage. Je pense qu'ils vont un peu dans le même sens en montrant que bah, y a une notion de partage et qui est dure à éviter et on peut pas aller à l'encontre du partage facilement. Et finalement, le logiciel libre ne fait que concrétiser un besoin naturel et humain de partager avec les autres. Et je dirais que c'est la vraie alternative au piratage de logiciels propriétaires. Parce que quand on pirate un logiciel propriétaire, en fait, on n'est pas libre. Voilà, voilà. Alors, j'en profite parce que là, sur cette émission, on a abordé pas mal de notions, de points qui n'étaient pas forcément simples. Pour rappeler ce qu'on oublie souvent de faire, qu'on a notre blog et que vous pouvez retrouver les précédentes émissions. En particulier, je pense toujours à la première parce que elle présente le libre globalement et ce que c'est. Et donc, pour quelqu'un qui a jamais suivi l'émission, ça permet peut-être de comprendre certains points qui sont un petit peu compliqués ici. Alors, l'adresse du blog, c'est www.velcs.info. Voilà, velcs.info. Et on retrouve nos émissions téléchargeables, librement, bien sûr. Alors donc, comme il nous reste du temps, eh ben, on va en profiter pour écouter un nouveau petit extrait de cette conférence de Stallman. Qu'est-ce que ça veut dire, le logiciel libre? Je puis expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité. Voilà, donc il va loin, trois mots, liberté, égalité, fraternité, donc la devise de la République française. Alors pourquoi il se permet cette analogie? Déjà pour montrer le côté politique du logiciel libre. Il s'agit pas du tout d'informatique, c'est vraiment garantir les droits des utilisateurs, garantir leur liberté, qu'ils soient à égalité face à l'informatique, face à la technologie, enfin qu'ils soient capables de garantir des droits. Et la fraternité, parce que c'est un modèle fait de communautés où les gens s'entraident. Enfin voilà, bah, par exemple, il y a eu l'Install Party qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. On peut se faire réparer son ordinateur, etc. Tout ça. Alors voilà un peu les points qui sont importants pour Richard Stallman. Et justement, si vous voulez en savoir un peu plus sur le personnage et aussi sur sa personnalité un peu hors du commun, je vous invite à lire une biographie qui a été faite de lui par un journaliste américain. Et cette biographie est disponible sur le site wikisource.org et elle s'intitule « Libre comme liberté » ou en anglais « Free as in freedom » qui raconte justement, c'est son sous-titre, la croisade de Richard Stallman pour le logiciel libre. Voilà. On donnera. Alors, si vous n'avez pas noté le lien, il sera disponible sur notre blog, donc dont on a déjà rappelé l'adresse. Mais bon, vu qu'on oublie à chaque émission, on va le dire deux fois pour celle-ci. Donc, c'est www.velcs.info. On en profite également pour rappeler que le morceau qu'on utilise dans notre jingle de l'émission vient d'un groupe qui est sur Jamendo qui s'appelle, j'ai oublié le nom, Emmanuel... Juanitos. Ah oui, Juanitos. Et le morceau, c'est Psychédélique... Partie. Psychédélique, partie. La licence. Sous licence Creative Commons by... Voilà, au revoir.